pic de la Mirandole. L'histoire que je vais vous conter, enfant, vous prouvera à quel bonheur et à quelle renommée peut conduire l'amour de l'étude. Près de Modène, en Italie, dans un vieux château, vivait, au XVe siècle, François de la Mirandole, comte de Concordia. Ses ancêtres avaient été des princes puissants. Ils s'étaient fait redouter de tous leurs voisins, et principalement des Bonacossi. C'étaient des seigneurs de Mantoue qui portaient une haine héréditaire au comte de la Mirandole. Au moment où commence notre histoire, cette haine n'était pas éteinte. Des querelles toujours renaissantes l'entretenaient. Et François de la Mirandole se tenait constamment sous les armes pour repousser les attaques du seigneur Bonacossi, qui avait des partisans nombreux dans le gouvernement de Modène. Le comte François avait trois fils. Les deux aînés partageaient son humeur belliqueuse, mais le plus jeune, Jean Pic de la Mirandole, qui n'avait que 10 ans, fuyait tous les exercices tumultueux et passait les heures à étudier auprès de sa mère. Cependant, son père contrariait ses goûts paisibles et, le traitant durement, lui disait parfois qu'il serait la honte d'une famille dont tous les ancêtres s'étaient illustrés à la guerre. Mais l'enfant ne pleurait point à ses reproches, car il sentait qu'il possédait en lui de quoi se justifier un jour. À 10 ans, en effet, il connaissait déjà toute la littérature ancienne, et il composait des vers qu'admiraient avec étonnement tous ceux qui les pouvaient comprendre. Sa mère aimait à les lui entendre répéter, et souvent, dans un transport de tendresse et d'orgueil, elle s'écriait « Jean, sans doute, fera de grandes choses ». Donc, sans avoir pu faire partager cette opinion au comte François, elle avait enfin obtenu de lui qu'il laisserait se développer en paix cette intelligence dont il ne devinait pas l'étendue. Cependant, une nouvelle guerre éclata bientôt entre les deux familles. Chacune, en prenant les armes, avait juré de ne les quitter qu'après l'extinction de l'autre. Les combats furent longs et sanglants. Des deux côtés, la valeur était la même, et la victoire ne se serait pas décidée à nombre égal. Mais le comte François, qui n'était pas aimé, vit se coaliser contre lui plusieurs princes voisins, et il fut vaincu par Bonacossi. Celui-ci aurait exterminé la race entière du comte si le gouvernement de Modène n'était intervenu. Les Mirandole eurent la vie sauve, mais tous leurs biens furent confisqués et on les exila des états de Modène, où on leur défendit de rentrer sous peine de mort. Ce fut un jour de grande douleur pour le comte que celui où il fut chassé du château de ses aïeux, et où il dut aller mendier sur la terre étrangère le pain dur de l'hospitalité. Il versa des pleurs de rage en passant sous la haute porte blasonnée de son manoir féodal, et ses fils aînés, forcés de contenir leur indignation contre le vainqueur, baissaient la tête comme lui en grinçant des dents. Leur mère, qui tenait par la main son plus jeune fils, était accablée d'un désespoir morne. L'enfant comprit alors tout ce que sa douleur muette avait de profond, et il lui dit, d'une voix pleine de conviction, « Consolez-vous, ma mère. Nous reviendrons un jour. Nous ne mourrons pas en exil. » La comtesse avait un frère, prieur d'un couvent près de Bologne. Elle résolut d'aller lui demander asile pour sa famille. Frère Rinaldo accueillit les exilés avec tous les égards et tout l'empressement dû au malheur, et mit à leur disposition une petite villa dépendante du monastère, où ils trouvèrent une vie calme. Mais le comte et ses fils aînés, accoutumés au commandement, ne pouvaient se faire à cette existence humble. Ils se lièrent avec plusieurs gentilshommes des environs. Ils allaient chasser sur leurs terres, prenaient parti dans leurs querelles, et tâchaient ainsi de gagner leur amitié pour les décider plus tard à leur prêter des troupes afin de reconquérir leur patrimoine. Jean ne suivait pas son père et ses frères dans ces excursions. Il restait toujours auprès de sa mère et de son oncle, homme sage, plein de science et de bonté, qui avait pour lui la plus tendre affection et qui dirigeait ses études. L'intelligence de l'enfant grandissait chaque jour sous un pareil maître, et bientôt, il surpassa en érudition tous les religieux du monastère. Il restait des heures entières, enfermé avec son oncle dans la vaste bibliothèque du couvent, et ils apprirent ensemble le latin, le grec, le chaldéen, l'hébreu et l'arabe, et étudièrent tous les ouvrages composés dans les littératures diverses. Je ne pourrais vous dire, enfant, que de plaisir, que de joie complète, ces études firent goûter au jeune Pic de la Mirandole. Il vivait ainsi avec tous les peuples anciens, qui venaient tour à tour lui parler dans leurs idiomes et l'entretenir mystérieusement de leur gloire disparue. Jean étudia aussi les livres saints. Il en pénétra les mystères et le sens. Puis, Lorsqu'il eut approfondi les deux grands codes de nos croyances, la Bible et l'Évangile, il lut les écrits que les pères et les docteurs nous ont laissés sur ces livres divins, et il posséda bientôt dans toute sa plénitude cette formidable science qu'on appelait alors théologie. Cette science était en honneur dans les universités de l'Europe. Chaque année, les plus célèbres maîtres faisaient soutenir des thèses par leurs élèves, et ceux qui pouvaient résoudre les questions difficiles proposées par leurs maîtres étaient couronnés en public. Jean, quoique absorbé par le travail, ne pouvait être indifférent au chagrin de ses parents. Bien qu'il ne partageât pas les goûts de son père, il admira avec respect ce vieux guerrier vaincu, qui brûlait de recouvrer par les armes les domaines de ses ancêtres, et qui se désolait en voyant chaque jour s'éloigner son espérance. Un soir, le comte était rentré avec ses fils aînés, plus mécontent que de coutume. Il arrivait d'un château voisin, habité par un seigneur qui lui avait promis plus d'une fois le secours de ses armes et qui, sommé de tenir sa parole, venait de lui faire une réponse évasive. De retour dans son habitation, le comte exhala toute l'amertume de ses pensées, s'écriant qu'il aimerait mieux mourir que de vivre plus longtemps dans l'abaissement où l'infortune l'avait placé. Ses fils aînés répétèrent ses paroles, et ils jurèrent d'aller se faire tuer dans quelque guerre lointaine plutôt que de languir obscure. La comtesse, témoin de cette douleur, versa des larmes, et son fils Jean tâcha de calmer le désespoir de son père et de ses frères. Mais voyant qu'il ne pouvait y réussir, et qu'on répondait par le sarcasme à ses paroles douces, le noble enfant resta rêveur, réfléchissant en lui s'il ne trouverait pas quelque moyen de rendre à sa famille le bonheur qu'elle n'avait plus. Tandis que les Mirandol exilés se désespéraient ainsi, Fra Rinaldo, le prieur, entra. « Je vous annonce, dit-il, une nouvelle qui sera sans doute fort indifférente à plusieurs d'entre vous, mais que Jean apprendra avec intérêt. »« Laquelle ? » dit le jeune Pic, accourant vers son oncle. L'arrivée du professeur Lulle qui vient pour faire soutenir des thèses de théologie aux élèves de l'université de Modène. « Oh, que je voudrais bien le voir !» s'écria l'enfant. « Lulle, Lulle, le plus grand savant de l'Europe ! Oh, mon oncle, ce doit être un homme bien merveilleux !» Mais s'apercevant que son admiration naïve excitait l'ironie de ses frères, il se tut, puis il prit en silence une grande résolution. Lorsque le prieur se leva pour sortir, il le suivit, et dès qu'il put lui parler sans témoin, « Mon oncle, dit-il, je veux aller à Modène. Je veux voir le professeur Lulle. Je veux soutenir une thèse devant lui et faire honneur au nom de mon père. « Enfant, répondit Fra Rinaldo, ta pensée est noble et grande. Quoique bien jeune encore, je te crois assez savant pour soutenir une thèse devant Lulle. Mais comment aller à Modène ? Ta famille en est proscrite et elle ne peut y entrer sous peine de mort. Toi-même, pauvre enfant, malgré ton âge, tu as été compris dans cette horrible proscription. Ce serait un acte de démence d'exposer ta vie pour un vain désir de gloire. « Oh, vous ne m'avez pas compris ? » s'écria Jean. « Ce n'est point un désir de gloire qui m'anime, c'est une pensée meilleure. » Et alors ? Il raconta à son oncle ce qui le poussait à ce dessein. Le religieux, touché et convaincu par la sagesse de ses paroles, lui promit de le seconder. Il fut résolu qu'on cacherait son voyage à sa famille et que dès l'aube il partirait, accompagné d'un frère laid, sous prétexte de se rendre à un couvent voisin dont le supérieur désirait le connaître. Mais il prendrait en réalité la route de Modène, où il arriverait sous le simple nom de Jean, comme un jeune clerc recommandé au célèbre Lulle par Fra Rinaldo, lequel avait autrefois connu ce professeur. Ayant obtenu cette promesse de son oncle, l'enfant tomba à ses genoux et le remercia en pleurant d'avoir consenti à son voyage. Le religieux le bénit, puis ils se séparèrent. Jean ne put dormir de la nuit. Tout ce qu'il aurait à dire au professeur Lulle s'agitait dans son esprit. La crainte d'un échec le tourmentait, l'espérance d'un succès l'enflammait. Enfin, quand le jour parut, il se leva et courut au monastère chercher son oncle. Fra Rinaldo vint à lui, et ils allèrent ensemble auprès de sa mère. Rinaldo, lui ayant représenté que ce voyage aurait un but d'utilité pour son fils, elle ne s'y opposa pas, mais elle pleura en le voyant partir. Le frère Niccolo, à qui étaient confiés les embellissements du jardin monastique et qui avait une affection particulière pour Jean, fut chargé de l'accompagner. Il monta sur une petite mule blanche qui servait aux frères quêteurs du couvent, assez fringante pour les mener d'un bon pas et assez douce pour les conduire sans danger. Jean, après avoir embrassé ses parents, sauta en croupe derrière Fra Nicolo et ils prirent ainsi la route de Modène. L'enfant avait caché dans son pourpoint la lettre que son oncle lui avait donnée pour le docteur Lul, et il avait mis dans un sac attaché à sa ceinture toutes les thèses de théologie qu'il avait écrites. Il savait qu'en les relisant attentivement avant de soutenir celle qui lui serait proposée par le docteur, il pourrait résoudre hardiment toutes les questions. Son intelligence précoce avait épuisé la science de la théologie comme toutes les autres. Plein de sécurité sur ce qu'il aurait à répondre, il fit son voyage gaiement et en se livrant à toutes les distractions de l'enfance, car, chose remarquable, il joignait au plus grand savoir tous les goûts de son âge. Dieu lui avait donné un génie qui pénétrait tout facilement et pique, studieux sans effort, n'était pas vieilli d'avance par le travail. Chemin faisant, il se livra à mille joies folles. Souvent, sous prétexte de soulager sa monture, il mettait pied à terre, et s'élançant alors à travers champs, il allait cueillir des fleurs nouvelles pour son herbier, ou demander aux vendangeurs quelques-unes de ces belles grappes de raisins dont les ceps, couverts de feuilles, se suspendent aux arbres en guirlandes vertes. Il rapportait toujours à Fra Nicolo la moitié des fruits qu'on lui donnait, et il s'amusait à remercier les vendangeurs en arabe ou en hébreu, ce qui faisait beaucoup rire ces bonnes gens qui ne le comprenaient pas. D'autres fois, prenant l'avance sur la mule paresseuse, il courait sur la route à perte de vue, puis, se cachant derrière un platane, il se dérobait au regard de Fra Nicolo qui, pour l'atteindre, avait donné de l'éperon à sa pauvre mule. Lorsqu'il avait bien joui de l'embarras de son guide, Pic reparaissait tout à coup, et Fra Nicolo, après une douce réprimande, l'aidait à grimper sur la monture qui reprenait son petit trot. Dès qu'ils furent arrivés à Modène, Jean, accompagné de Fra Nicolo, se présenta chez le docteur Lul. Celui-ci prit la lettre du prieur sans regarder l'enfant qui la lui présentait, et la lecture de cette lettre le disposa d'abord en sa faveur. Mais quand il leva les yeux et qu'il vit cette jeune tête de 13 ans, il crut que Fra Rinaldo avait voulu se moquer de lui en lui parlant de Jean comme de l'écolier le plus célèbre de l'Italie. Cependant, la lettre était si précise et le porteur y était si bien recommandé qu'il se décida à lui adresser quelques questions pour le mettre à l'épreuve. Jean y répondit avec tant de netteté et de profondeur que le docteur en fut tout confondu et l'admit aussitôt au concours. Les candidats devaient soutenir une thèse de théologie en présence des magistrats de la ville et de tous les savants de l'Italie. Ce jour, si vivement attendu par Jean, arriva. Et au moment où il entra dans l'amphithéâtre, il sentit une force d'esprit surnaturelle. Dieu semblait avoir doublé son intelligence pour la faire triompher. Le podestat de Modène était assis sur un fauteuil couvert de pourpre, d'où il dominait toute l'assemblée. Parmi les hauts seigneurs qui l'entouraient, Jean reconnut tout à coup Bonacossi, l'ennemi de sa famille. Sa présence l'enflamma d'une nouvelle ardeur, et il résolut de rendre au nom de son père l'éclat dont on l'avait dépouillé. La salle était remplie. On se pressait dans les tribunes, et le docteur Lul, couvert de sa longue robe noire bordée d'hermine, était monté dans sa chaire. En face de lui se tenaient debout les 6 élèves qu'il allait interroger. Ils étaient aussi vêtus de robes noires, mais sans hermine. Parmi eux, le jeune pic de la Mirandole attirait tous les regards et excitait l'étonnement. C'était un spectacle extraordinaire, en effet, que de voir cet enfant à la chevelure blonde, aux joues roses et fraîches, aux yeux vifs et candides, couvert d'une robe doctorale et prêt à soutenir une thèse de théologie. L'enfant, un peu embarrassé par tous ces regards, tenait la tête baissée et écoutait attentivement les réponses que les autres élèves faisaient aux argumentations du docteur. Quand leur examen fut fini et que son tour arriva, Pic leva les yeux avec assurance sur le docteur Lul qui l'interrogeait, mais dans ce mouvement, son regard se porta vers une des tribunes publiques et il fut prêt de laisser échapper un cri en reconnaissant sa mère au milieu de la foule, sa mère, qui avait deviné puis arraché la vérité à Fra Rinaldo sur l'absence de son fils et qui était accouru à Modène pour mourir avec lui s'il était reconnu par leur ennemi. Le jeune savant comprima l'émotion qu'il avait saisie et il répondit avec une éloquence entraînante à tous les points de science posés par le docteur. Celui-ci, étonné d'une pareille supériorité, tâcheux de prendre en défaut cette haute intelligence, mais il multiplia vainement les subtilités de la scolastique. L'enfant semblait s'y jouer et Lulle, enfin entraîné lui-même par l'enthousiasme de l'assemblée, le déclara digne de la récompense promise à celui des 6 candidats qui soutiendraient sa thèse avec le plus d'éclat. Jean, conduit par le docteur, s'avançait vers les gradins où étaient assis les magistrats et les princes, quand tout à coup, une voix s'éleva. C'était celle du seigneur Bonacossi, de l'ennemi de sa famille. « Le nom, demandez le nom de cet enfant » criait-il au podestat de Modène, car son regard haineux venait de reconnaître le fils du comte de la Mirandole. À ces paroles, qu'elle a comprises, la mère, pleine d'effroi, fend la foule et s'élance auprès de son fils. Elle l'entoure de ses bras, comme pour le défendre de tout danger. Mais l'enfant, intrépide, se dégage de son étreinte et, se plaçant devant le podestat, il lui dit d'une voix forte « Je me nomme Jean Pic de la Mirandole, fils du seigneur de la Mirandole, comte de Concordia. Je sais que ma famille est proscrite et que nul de nous ne peut rentrer dans ses murs. Je vous livre ma tête, seigneur Bonacossi, mais je vous demande à vous, podestat de Modène, la récompense qui m'est due. Vous le savez, le choix de cette récompense m'est laissé. Eh bien, accordez-moi la grâce de ma famille. Rendez à mon père ses biens, ses honneurs et sa patrie. Puis faites-moi mourir, si vous trouvez cela juste. » 1000 voix s'élevèrent pour l'applaudir. Tous les cœurs étaient attendris. Des larmes coulaient de tous les yeux. Toutes les mains battaient. Le podestat lui-même, ému comme les autres, embrassa le merveilleux enfant et lui accorda sa grâce avec celle de sa famille. Bonacossi fut contraint de restituer au comte de la Mirandole les domaines de ses ancêtres, et cet héritage, perdu par les armes, fut reconquis par l'éloquence de la parole. Pic de la Mirandole devint l'homme le plus savant de son siècle. Il voyagea dans toute l'Europe. Les universités les plus célèbres furent pleines de son nom. Celle de Paris lui accorda de grands honneurs, et le roi de France, Charles VIII, l'appela son ami.